Bonjour. Une chose que je dois dire, c'est quand je vous dis que votre mission, c'est vous, ça a toujours été très, très, très sincère. Et puis, si j'ai toujours amené les gens à eux-mêmes, puis mis l'accent sur l'individu, l'individuation, ça a toujours été très, très sincère. Et je pense être quand même cohérent dans ma vie, dans la pratique, si on peut dire, pour dire que maintenant, j'ai suffisamment parlé au public. J'ai pas l'intention de faire ça toute ma vie comme d'autres l'ont fait. Ça, il n'en est pas question. J'ai passé toute la nuit à vivre là, ce qu'on appelle des rêves lucides. Depuis que je suis très jeune que je vis ça. Et j'ai l'impression de m'être battu toute la nuit contre des choses qui, au fond, sont liées à de la défense, à des choses qui se défendent. Et moi, j'ai pas l'intention d'accompagner qui que ce soit. Ça n'a jamais été mon intention, comme j'ai jamais participé à des groupes, comme je ne le ferai jamais non plus. Si vous voyez mon pseudonyme, car Berthold n'est pas mon prénom, si jamais vous le voyez dans des groupes, ce n'est pas moi. Tout ce que j'ai pu écrire comme note, tout ce qui a pu, ça, c'est possible que ça devienne un livre, mais si ça arrive, ce sera disponible gratuitement. Gratuitement sur Internet. Donc, si jamais il y a un livre là payant dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, ce n'est pas moi. Moi, tout ce sera toujours gratuit. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé rien. Je ne demanderai jamais rien. Donc, moi, je considère que la portion de parler au public, ce que j'avais intégré là-dedans, c'est fait. Et puis, c'est pas une décision que j'ai prise. Hier soir, je savais même pas que j'allais cesser aujourd'hui. Et puis, vous avez jusqu'au 15. Je ferme la chaîne le 15. Donc, s'il y a des choses que vous trouvez intéressantes, ben, vous voulez copier. Moi, je considère que tout ce que j'ai fait ne m'appartient pas à ce niveau-là. De toute façon, j'ai jamais considéré que ça venait de moi. Il y a des choses qui venaient de mon ego. Il y a des choses qui étaient pas. Bon, ça peut pas. Il n'y a personne de parfait, moi non plus. Mais ce qui a eu pu avoir d'un peu brillant, si on peut dire, ça ne m'appartient pas. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Mais je ferme quand même la chaîne le 15. Donc, je tiens à vous remercier, sincèrement, parce que j'ai beaucoup intégré de choses en faisant ça. Mais comme le phénomène est purement individuel, il va falloir là, que le reste, là, moi, j'entre dans une autre phase. Je ne pensais pas que ça serait lié à arrêter de parler avec le public, mais personnellement, je suis fatigué d'être en colère. Je vis beaucoup de colère. Pas de la colère comme quand vous faites une crevaison ou quand vous êtes malade, c'est un autre type de colère que je considère comme beaucoup plus subtil à comprendre, mais c'est bel et bien quelque chose que si je toute ma vie là, je parlerai avec le public, ce qui va arriver, c'est que je vais en être malade physiquement et mourir très jeune. Et ça ne fait pas partie de ma programmation à moi. En tout cas, j'ose l'espérer. De toute façon, on me refuse l'accès à cette information-là, mais il reste que j'avais pas toute ma vie faire quelque chose comme ça. Moi, ma mission, c'est moi. Quand je vous disais votre mission, c'est vous, c'était très sincère. Ma mission, c'est moi. Ma priorité, c'est d'avoir la paix. Même si l'évolution dans la douceur, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, mais il reste tout de même que pour intégrer mon expérience, il faut que j'aie la paix. Il y a certaines tensions dont je ne veux pas, que d'autres ont assumées, mais moi, ce n'est pas que je n'en aurais pas la force, c'est tout simplement que, en tant qu'ego, je ne veux pas. Je ne veux pas d'une vie comme ça. Et je veux pas non plus imposer quoi que ce soit à des gens qui, des fois, sont sensibles à l'ascendant, sont sensibles à l'influence, sont sensibles à. Bon, j'ai jamais eu l'intention de. Mais maintenant, c'est comme il y en a là qui me font des procès d'intention au niveau de la forme, et puis Puis ça, non, je n'ai pas envie de me justifier, de tout le temps réajuster, de non, ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Et puis, de toute façon, j'ai ma vie à moi. Et puis maintenant, ben, comme je vous le dis, je ne parlerai plus au public. Et puis, s'il y a quelque chose, des écrits, ce sera disponible gratuitement en ligne. Ce sera toujours gratuit. Et je ne demanderai jamais rien en échange. Tout simplement parce que j'en suis incapable. Incapable. J'ai toujours été au niveau de ce que j'ai fait sur la chaîne. J'ai toujours été sincère. Même si des fois c'était pas ajusté, même si des fois j'ai toujours été sincère. Ça a toujours été d'une honnêteté que je pouvais pas faire autrement. Mais avoir de la prétention comme d'autres ont, comme par exemple de faire de la consultation, des choses comme ça, c'est une question aussi d'honnêteté envers soi-même. Et puis, j'ai mes activités. J'ai ma vie à moi, et comme le phénomène est individuel, de toute façon, je ne serai jamais seul, là. Au niveau, là, quand il était dit, bon, on ne peut pas être intelligent tout seul, je sais que je vais toujours avoir des interlocuteurs tout le temps. On me les amène, ils viennent par eux-mêmes, peu importe le contexte. Mais parler au public, être une personne qui parle publiquement, vu un paquet de considérations, différentes choses, je ne me prends pas suffisamment au sérieux, ou plutôt, non, au contraire, je m'accorde le droit d'avoir la paix. Ça, c'est une certaine priorité que j'ai, même je dirais c'est la priorité, et ce qui est important pour moi, c'est moi. Donc, le fait que j'ai l'honnêteté de dire ça, peut-être que ça peut être vu comme choquant, que je peux être vu comme quelqu'un d'individualiste, eh bien oui. Et à un niveau, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je serai toujours ma priorité, ma mission, ce sera toujours mon intégration à moi. Et ce serait pas intelligent de ma part de continuer. Ce ne serait plus ajusté. Et comme je vous dis, la veille, hier, je ne savais même pas que c'était terminé. Mais maintenant, oui, je le vois clairement et c'est ce qu'il y a de plus logique et de plus intelligent à faire. S'il y en a qui veulent passer leur vie à faire ça, puis qui savent pas au niveau énergétique les conséquences que ça peut avoir, eh bien, c'est parce que ça fait partie de leur programmation. Et puis, il leur arrive ce qui doit leur arriver, ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais personnellement, moi, non. Je n'ai pas intérêt à subir certaines choses qui viendraient en conséquence, conséquemment à ça. Comme si je regarde là. Par exemple, là, des certaines sciences ou des pseudo-sciences que je dirais, qui sont réellement des pseudo-sciences. On n'est pas dans l'empirisme. Il y en a, ils vont dire, j'ai déjà vu là, des astrologues qui avaient regardé quand j'étais né, puis qui disaient que j'étais un grand voyageur alors que je ne suis pas allé plus loin que le Maine. Mais j'ai fini par comprendre que oui, je suis un grand voyageur. Mais il n'est pas question d'avoir à me déplacer physiquement. Il n'est pas question non plus à me dilapider dans mes énergies, à m'éparpiller non plus. Il est question d'une gestion ergonomique de mon carburant. Et puis, sincèrement, je vous remercie. Et puis, vous avez jusqu'au 15 de ce mois-ci pour copier ce qui vous intéresse. Parce que le 15, je vais fermer la chaîne. Tout simplement. Merci.